Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a organisé le 11 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang un meeting d'information de la situation à l'intention des représentants diplomatiques et d'institutions internationales en Corée à propos du dévoilement de la bande des terroristes cruels infiltrés à l'intérieur de notre pays par la CIA et l'Agence de renseignement sud-coréenne dans le but d'un attentat terroriste d'État par une substance biochimique contre notre direction suprême. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Han Song-yul, a dénoncé, avec les données à l'appui, le complot terroriste ultra-géant contre notre direction suprême, promu en top secret par les meurtriers de l'Agence de renseignement sud-coréenne de connivence avec la CIA, et défini la position de principe du gouvernement de notre République d'éliminer jusqu'au dernier les fanas terroristes. Il a ajouté qu'il est bien naturel qu'il y aura encore d'autres attentats terroristes ultra-géants contre notre direction suprême, tant que les États-Unis et la bande des traîtres sud-coréens continuent leur politique d'hostilité anti-nord-coréenne et que, dans ce contexte, sera commencée immédiatement l'attaque antiterroriste à notre manière, de façon multiple et intense, pour supprimer une fois pour toutes les foyers de complot et conspiration, source des maux du monde, comme la CIA et l'Agence de renseignement sud-coréenne. Il a souligné que tant qu'existent les groupes de meurtriers comme la CIA et l'Agence de renseignement sud-coréenne, ennemis communs qui trompent l'humanité et destructeurs cruels de la planète, le monde sans terrorisme ne restera qu'en rêve. Pour terminer, il appelait tous les honnêtes peuples du monde épris de paix à s'engager dans la lutte commune pour mettre un terme une fois pour toutes à toutes les conspirations, tyrannies et forfaits anti-humains qui violent sans merci la volonté pour la paix et la stabilité. Les représentants diplomatiques et d'institutions internationales en Corée ont exprimé leur grande inquiétude au complot terroriste ultra-géant des autorités américaines et sud-coréennes et leur compréhension à la position de principe de notre République.